Conte de fées en français. Les aventures de Tom Sawyer. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Tom Sawyer. Tom vivait avec sa tante Polly dans une petite ville. Tante Polly était une gentille femme. Elle adorait Tom et ne lui souhaitait que du bien. Mais Tom était un petit polisson. Tom, réveille-toi! Tu es en retard pour l'école! Oh, mais tu ne sais pas, il n'y a pas école aujourd'hui. Monsieur Snuggles a perdu son père. Oh mon Dieu, vraiment? Pauvre Monsieur Snuggles. Bonjour, Monsieur Snuggles. Oh, je suis désolée pour votre père. Que son âme... Quoi? Parti faire une balade? Oh, c'est super! C'est bon pour la santé. En fait, nous devrions tous faire des petites balades. Ok, Monsieur Snuggles. Désolée de vous avoir dérangé. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, toi! Comment as-tu pu raconter un tel mensonge? Le père de Monsieur Snuggles n'est pas mort. Il va vraiment très bien. En fait, je n'ai jamais dit qu'il était mort. J'ai dit qu'il l'avait perdu. Il a donc dû le retrouver. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire de ce garçon, moi? Il fait si beau aujourd'hui! Qui voudrait aller à l'école par un si beau temps? Ce serait si simple si tante Polly n'était pas tout le temps là pour m'empêcher de faire tout ce que je veux. Je sais! Je vais aller jouer avec Huck et je rentrerai plus tard à la maison. Tante Polly ne saura jamais que j'ai manqué l'école. Oh, Tom Sawyer! Où est ta tante Polly? Tu n'aurais pas dû quitter la maison de ta tante. Qui te sauvera de mes griffes maintenant? Ryan Reynolds, tu pensais que j'allais me cacher pour toi indéfiniment? Hey, ça ne va pas, vous deux! Arrêtez de vous battre, vous allez vous faire mal! Oh non, mon uniforme est plein de boue! Tante Polly va savoir que j'ai manqué l'école. Comment je vais faire? Sans faire de bruit. Tom, je sais que c'est toi! Ne pense pas que je ne vais pas te punir pour avoir manqué l'école et t'être battu avec Ryan Reynolds. Tu es un vilain garçon. Tu passeras le week-end à repeindre cette barrière. Tu es puni de jeu. Mais c'est lui qui a commencé! Plus un mot, Tom. Tu vas repeindre la barrière, compris? Oui, tante Polly. À l'approche du week-end, Tom alla voir la barrière et fut choqué. Quoi? Je dois peindre tout ça? Non! Et mes jeux de billes alors? Et le jeu des bandits? Oh, ça ne va pas du tout! C'est pour ça que je préfère la vie de Huck à la mienne! Il n'a pas de parents! Du coup, il n'y a personne pour le punir! Comment faire maintenant, hein? Mais Tom était un garçon intelligent. Il eut une petite idée. La la la la la la... Attends! C'est peut-être mieux ici. Qu'est-ce qui se passe, Tom? T'as encore été puni? La la la la la la... Hey oh, on te parle, Tom! Oh! Salut, les gars! Désolé, j'étais occupé avec mon œuvre, là. Pourquoi es-tu si content d'être puni? Comment ça, puni? Ce n'est pas une punition. Combien de garçons vois-tu peindre? Cette ville a besoin de couleurs. Alors j'ai décidé de redécorer la ville, voilà, c'est tout. Je démarre avec cette barrière. Vous pouvez aller jouer aux billes, vous, allez-y. Moi, je suis un artiste. C'est tellement sympa à faire. La la la la la. Ah, mais moi aussi, je veux être un artiste. Allez, laisse-moi essayer. Je ne sais pas. Ce n'est pas donné à tout le monde, tu sais. Oh, allez, Tom. On est amis, pas vrai? Tu peux nous laisser essayer. Mais c'est un travail très important. Et vous allez devoir me payer si je vous permets de le faire. Les amis de Tom n'y réfléchirent pas deux fois et lui donnèrent tous leurs jouets et leurs chocolats pour pouvoir peindre la barrière. De plus en plus de petits garçons arrivèrent pour peindre aussi et très vite la barrière fut entièrement repeinte. Eh bien, tout le monde veut faire quelque chose qui a du sens. Ça leur est égal de faire quelque chose de stupide comme repeindre une barrière. Oh mon Dieu! Tu as fait ça en seulement quelques heures, Tom? Oui, Tante Polly. Tu n'as pas idée comme j'ai travaillé dur sur cette barrière. Pfiou, je suis crevée. Alors, je peux aller jouer maintenant? Oui, je suppose. Ah, je me demande quand même comment il a fait. Salut, Huck! Salut, Phil! Écoutez! Je nous ai trouvé un nouvel endroit pour aller jouer. Là-bas, personne ne nous demandera d'aller à l'école ou de rentrer à la maison avant le coucher du soleil. Vraiment? Et c'est où? C'est l'île de l'autre côté de la rivière. Oh, waouh! Mais ma mère ne m'autorisera jamais à y aller. Ça m'énerve d'être obligé de tout lui dire à chaque fois. Eh bien, ne lui dis rien. N'informons personne, d'accord? On est assez grands pour se débrouiller tout seuls. Les trois amis se mirent d'accord et partirent pour l'île sur un radeau. Ils vivaient leurs rêves. Personne pour les arrêter ou les empêcher d'aller quelque part. Ils jouèrent et s'amusèrent à fond. Au début, ils mangèrent des fruits et des légumes. C'est délicieux! Pourquoi on les cuisine d'habitude? C'est vraiment une perte de temps! Je suis d'accord. Si tout le monde mangeait les légumes tels quels, on perdrait beaucoup moins de temps. Si seulement tout le monde était aussi intelligent que nous. Mais au bout de quelques jours à jouer et ne manger que des fruits et des légumes crus... Oh, j'ai trop mal au ventre! Je n'en peux plus, j'ai mal! Je ne sens pas bien. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Je ne me sens pas très bien non plus. J'aimerais que vos parents à tous les deux soient là. Au moins eux, ils sauraient quoi faire. C'est vrai, oui. Tante Polly me manque. Et pourquoi personne n'est venu nous chercher? Ils s'en fichent. Tu ne te souviens pas? On n'en a parlé à personne. Ils ne savent pas qu'on est ici. Oh oui, c'est vrai, oui. Parce qu'on est assez grand pour se débrouiller tout seul. On est vraiment trop idiots. Tu as raison là-dessus. On est trop idiots. Je penserais que ce serait marrant de vivre comme toi, Huck. Je ne me suis jamais senti aussi seul. Au village, il y a toujours quelqu'un pour prendre soin de moi. On fait quoi maintenant, les amis? Attendez, ne paniquons pas. On peut encore revenir, non? L'un de nous devrait y aller et voir ce qu'il se passe au village. Ah, je ne monte pas sur ce radeau tout seul, moi. Je pourrais mourir. Vu que c'était mon idée, c'est moi qui y vais. Je verrai bien si on a manqué à quelqu'un là-bas. Ouais, je verrai. Tom dit au revoir à ses amis et partit pour le village. En arrivant près du bord, il entendit des gens parler. En s'approchant, il vit sa tante Polly et la mère de Phil qui pleuraient. Oh, mon enfant! Oh, mon Dieu, mon enfant! Mon enfant, mon enfant, où es-tu? Cela fait des jours. Inutile d'attendre plus longtemps. On a envoyé des douzaines de bateaux pour chercher ces enfants. Et il ne peut y avoir qu'une seule explication. Ils ont dû couler dans la rivière. Il nous faut accepter le destin. On ne les retrouvera probablement jamais. Il faut organiser leurs funérailles et nous réunir pour prier pour ces trois garçons. C'est de notre faute. On aurait dû faire plus attention. Tom, Huck et Phil étaient de si gentils garçons. Les pauvres, c'était encore des enfants. Oh non! Qu'est-ce qu'on a fait? Je dois vite retourner là-bas! Alors, dis-nous, Tom! On ne manque à personne? Oui, Tom! Et comment va ma mère? Phil, tu manques énormément à ta mère! Et à Tante Polly et à tout le village aussi! Ils pensent tous qu'on a coulé! Ils vont organiser nos funérailles! Ils ont envoyé une douzaine de bateaux à notre recherche! Oh, je me sens très mal! Moi aussi! Pas étonnant que ma mère pense que je suis un irresponsable. On leur a fait du mal. Oui, Tante Polly n'aurait jamais l'idée de partir et de me laisser seule. Nos parents savent qu'on se ferait trop de soucis pour eux. Exactement comme eux, ils s'inquiètent pour nous. Ils nous aiment tellement. Je me sens trop coupable. Moi aussi. Moi aussi. Les amis, on doit repartir. Le village me manque trop. Oh, mais imagine ce qu'il va se passer quand ils vont comprendre ce qu'on a fait. Attendez, ils n'ont pas besoin de savoir. On dira juste qu'on a glissé dans la rivière et que les eaux nous ont emportés vers cette île et que pour le retour, on a construit ce radeau. Mais ce sont vos parents. Ils savent que vous ne savez pas construire un radeau. On doit au moins essayer. C'est mieux que de leur dire qu'on a été égoïste et irresponsable. Vous en pensez quoi? Attendez, demain c'est nos funérailles. Allons-y pour leur faire la surprise. Oh oui, j'aime bien ce plan. Eh bien, j'aime ce plan aussi. Je ne suis pas égoïste et irresponsable. C'est la rivière qui l'est. Dieu merci, les rivières ne peuvent pas parler. Que leurs âmes reposent en paix. Mais vous étiez où? On était si inquiets. La rivière a fait un radeau. Et l'île est venue à nous et on a couru Quoi? Mais arrête de parler, Phil! On est vraiment désolé. Ce que Phil essaye de dire, eh bien... S'il vous plaît, nous détestez pas. Oh, mes garçons, les parents ne détestent jamais leurs enfants. Ce qui importe, c'est que vous soyez tous à la maison sains et saufs. Oui, oui. Qu'à partir de maintenant, tu vivras avec moi et Tom. À partir d'aujourd'hui, tu seras aussi mon fils. Vraiment? Oui, oui. À moins que tu veuilles rester tout seul. Non, jamais. Je sais combien c'est important d'avoir des parents. J'ai vécu sans parents pendant toute ma vie. C'est vrai, je ne pourrais pas vivre tout seul, même pour quelques jours. On sait à quel point c'est important d'avoir des parents. On est vraiment désolés. On vous aime tous. On vous aime aussi, les enfants.